Dans ma vie, là, ce qui m'a fait le plus peur, c'est des manifestations de zombies. On n'a pas choisi de se retrouver devant un troupeau de zombies. Heureusement pour nous, il n'est pas à Sochi, même si c'est tout un athlète et qu'il adore l'hiver et faire des froids. Accueillons notre animateur, Jean-Philippe Vaux! Bonsoir tout le monde! Le public est en délire encore une fois. Hey, bonsoir tout le monde, il est à peine 19h, la soirée est encore jeune, ce qui va nous laisser amplement de temps de nous préparer pour le début des Jeux olympiques d'hiver. C'est extraordinaire, Fred Savard, bonsoir! Bonsoir! Oh! Êtes-vous excité par ça, vous, les Jeux olympiques, Fred? Non, pas tellement, mais je vous expliquerai ça dans ma chronique tantôt. Ah oui, tantôt? Ouais. Vous êtes économe des mots, vous? Ouais, hein? Un homme de peu de mots. Ben, il y a des coupures partout, voilà, hein? Mais c'est c'est ça, gars, on économise. Hey, non, mais ça va être 3 longues semaines pour vous, ça, Fred. Non, hein? J'avoue. Hey, parce que on a presque 300 collègues là-bas à Sochi. Ah, non? C'est pour ça que les bureaux sont vides. Et voilà. Hein? Je pense qu'il y a même Robert de l'accueil qui ont envoyé là-bas. Ah ouais. Hein? Ouais, ouais. Je sais pas comment on dit mercredi, c'est le nombril de la semaine en russe, mais en tout cas, il va trouver ça. Non, mais je pense qu'à part Poutine, il n'y a pas d'autres nombrils en Russie. Ah, hey, vous avez de l'opinion, pas rien qu'un peu. C'est un avant-goût de votre chronique. Ah, arrêtez ça. OK. Mais sans blague, avec les autres coupures à venir à Radio-Canada, c'est quand même assez inquiétant j'avoue. D'avoir autant de monde là-bas. J'espère qu'ils vont tous pouvoir revenir. Hein. Non, mais j'avoue. Non, mais ils ont juste à dire qu'ils sont gays. Vous allez voir que les Russes vont nous les renvoyer assez vite. Grétis, c'est un radeau. Hey, tabarouette. Hey, d'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes aussi fier que moi de notre maire de Nicodère à Montréal. Hein. Il te l'a dit à Poutine qu'il n'était pas d'accord. Hein? Il n'est pas d'accord. Pas d'accord sur quoi? Ben, pas d'accord avec les gays et tout. Là, ah, ouais? C'est une affaire, là. Voyons donc. Hey, il paraît que le drapeau arc-en-ciel va flotter à l'hôtel de ville de Montréal pendant toute la durée des Jeux. Ah ouais? Hey, t'as dit qu'il a dit notre Denis à Poutine, hein? Pas un peu heureux. Mais là, il paraît que c'est contagieux. Il y a d'autres villes qui vont embarquer. Des villes et des villes. Il y a, écoute, là, vite de même, je te dirais Québec, Gatineau, ouais. Saint-Jean-sur-Richelieu. Je savais même pas que c'est une ville, non? Tu vois, Saguenay? Ouais. Ah, tu vois, je pense que non pour le moment. Je pense que Jean Tremblay attend l'appel du Très-Haut. Ah ouais, hein? C'est Jésus qui lui dit quoi mettre sur son mât. Mm-hmm. Ben, c'est lui qui fait le dresser, le mât, ah. En tout cas. Puis en plus, je pense que le bon Dieu, il veut pas qu'on mette des choses sur notre mort. Non, en tout cas, c'est une grosse histoire de... Mais là, c'est bien beau, les drapeaux d'arc-en-ciel, mais pendant ce temps-là, là, les gays se font tapocher dans le village, ici, là. Est-ce qu'il va faire? Ça, c'est vrai. Non, mais en même temps, il peut pas tout faire en même temps. Ah non, ouais. Hein? Denis Coderre, il peut pas tout faire en même temps. Il va commencer par régler le problème des homosexuels en Russie. Ah ouais? Quand ça sera fait, okay. Ben, il va s'occuper des nôtres. Ah, ben c'est pour ça qu'il veut installer des caméras de surveillance dans le village. Oui, entre autres, mais pas juste dans le village. Vous avez vu ça, hein? Oui. Il veut en installer partout en ville où il y a de la criminalité. Oh, bon, hein? Ça va coûter cher, ça? Oui, ben, je comprends. Ah, ils savent déjà la blague, ils s'en viennent. Oui. Hein? On est au courant, notre monde. Hein? Ouais. Ben, je comprends que ça va en prendre des caméras, parce que ça veut dire des caméras à la mairie de Montréal. Ouais. Ça veut dire à la Sûreté du Québec. Ouais. À FTQ. Ouais. D'un bureau des ingénieurs. Ouais. Hey, ça arrête plus. Ça quand va, les là. Policiers se mettent à 10 pour maîtriser un itinérant qui n'est pas armé. Ah, et à Fred, pas besoin d'être 10. Des fois, rien qu'un gun, ça fait un job. Tu sais ce que je veux dire? Non. En même temps, non, c'est une priorité de Denis Coderre, ça, combattre l'itinérance. Puis je pense que la police l'a pris au mot. Ils les combattent un à la fois, ils les éliminent. Ouais. En même temps, c'est facile d'accuser la police. C'est vrai. Okay? Mais c'est jamais simple, ces crises-là. Il faut comprendre les deux côtés de la médaille. D'un côté, t'as un gars nerveux, agressif, armé, pas habile à communiquer avec les gens, visiblement en détresse. Puis de l'autre côté, ben, t'as un itinérant. Non, ça, je pense qu'il faut faire la... Tu sais, c'est jamais... On sait jamais comment ça peut tourner. On sait jamais comment ça peut tourner, ces choses-là. Hein? Non, voilà. Jamais. Eh hey boy! Ouais. Non, t'as le fun à faire, celle-là. Ouais. Sinon, quoi d'autre? Ah, il y a les élections! Ben oui. Il paraît qu'il va y avoir des élections. Ben oui, il paraît même que ce serait le 14 avril. 14 avril! Hey, il paraît que même la CAQ a déjà son autobus. Hein? Ben, une Econoline, maintenant. Ah ouais, attends. Une petite sédane trois pas. Une petite sédane. Hey, mais c'est pas tout. Il paraît qu'ils ont aussi un slogan. Ah ouais, ils ont déjà leur slogan. Ça va être quoi? Mourir dans la dignité, c'est aussi notre idée. Ça rend-tu un macaron, ça? Ça? Ils en font même pas. Je pense qu'ils attendent la 14, ça en va tout chez eux. Après. OK. Sinon, quoi d'autre? Ah, ben, il y a Philippe Couillard, hein, qui a déclaré que cette semaine, en fait, que Pauline Marois voulait briser le Canada. Briser le Canada. Ben oui. Mais là, il vient de découvrir que le PQ était souverainiste. Ah. Regarde, laissez-y le temps, là, de lire ses dossiers. Il vient d'arriver, le monsieur. Vrai. Là, ils vont apprendre bientôt en lisant ses dossiers que Québec solidaire est de gauche. Ils vont te faire un moyen saut. Ah, sinon, quoi d'autre? Ah, ben, y a une nouvelle qui m'a accroché cette semaine. Hein? Le batteur de Stephen Harper accusé d'agression sur un mineur. Ah ouais. C'est un des beaux titres de, ouais. Ouais, de ma semaine. Ça me semble que c'est flou, un mineur, un la mineur, un ré mineur, c'est quoi ça? C'est une blague musicale, quoi. Non, je suis allé trop loin, je suis désolé. Mais de toute façon, je sais pas, les conservateurs là, hein, sont toujours bien, bien secrets. On sait jamais les détails de leurs crimes. Non, donc, j'avoue. On dirait qu'ils n'en parlent jamais. Non, de ça. Pas. C'est bien étonnant. Heureusement, nos invités de ce soir ne sont pas trop secrets. Ah, non. Ils sont majeurs. Oui, oui. Ah. Regarde, les blagues musicales, Fred. Voilà. Oui. Vous voyez que ça ne pogne pas. Bon. On reçoit tout d'abord l'humoriste André Sauvé. Ah. On est très, très contents. On est très contents. Et il faut se dépêcher hein, parce qu'il y a un spectacle à 8 heures. Ah, c'est bien pour dire. L'émission finit à 8. Je comprends. Hey, c'est à Paris, en plus. Non, non, mais... Ah non, mais lui, il était-tu assez drôle dans 3600 secondes d'extase? Hey, mais voyons, il est encore drôle, Fred. C'est pas parce qu'une émission n'existe plus, hein, qui est plus drôle. Ah, ben regardez ce qu'il arrivait avec Alex Perron après l'émission 3 fois rien. Hein. Franchement, ça n'a pas de bon sens de dire des affaires demain. Ben oui, j'espère qu'on va le dire au micro pour qu'on va l'entendre au micro. On dirait qu'on l'a réveillé. Ah, on reçoit également le comédien Rémi Girard. C'est extraordinaire, ça. C'est vrai que mon premier contact avec Rémi Girard, là, c'est quand tu faisais des numéros d'humoriste. Mmh. Oui. Les années 60, ça. Ben non, c'est des années 80, c'est des lundis d'A. Ah. Ah, les lundis d'A. J'écoutais ça avec papa le lundi soir. Vos maudites anecdotes, Fred, là. Des fois, je nous souhaite que vous perdiez la mémoire. Rappelez-moi votre prénom. Claude. De toute façon, vous aurez le temps de vous en rappeler parce que la soirée est encore jeune. Olivier Niquette, est-ce qu'on a encore ça des internets à Radio-Canada? Ben oui, les gens peuvent nous suivre sur twitter.com/lasoirée, facebook.com/lasoirée est encore jeune, et sur notre site radio-canada.ca/lasoirée, où ils pourront voir que le ministre Maxime Bernier s'oppose à la désinfection des camions transportant des cochons pour contrer la diarrhée épidémique porcine, parce que nous sommes dans un pays libre et qu'on ne peut pas forcer les gens à prendre leur douche. C'est vrai. Tous ces gens bons qui vont peut-être mourir au nom de la liberté, ça me fend le cœur. OK. On passe au courrier des auditeurs. Ben, quelques questions à rafale. Maximilien Roland demande « Pensez-vous vraiment qu'on s'en rend pas compte quand vous coupez une entrevue? » Oui. Patrice Mondard nous dit « Entendu dans une pub des REER FTQ, l'expression fétiche de Jean-Philippe Vautier soit « Hey, boboy », coïncidence? » Oui. Sébastien Bourque dit « C'est ma fête le 7 février et je voudrais que vous me souhaitiez bonne fête à la radio. » Non. Et enfin, encore un scandale pour Fred Savard, puisque Marc-Olivier Forêt nous écrit « Dans la dernière émission, Fred Savard disait qu'il avait confiance que Saint-Hubert lui servait du poulet bourré d'hormones. J'ai été choqué d'entendre ça. La production de poulet canadienne ne contient aucune hormone. Il n'y en a jamais eu. Je ne demande pas d'excuses, mais j'aimerais au moins que M. Savard rectifie le tir en ondes. » Bon! Bon, je vais le faire. J'ai fait mes devoirs, j'ai fait mes recherches après ma chronique. C'est spécial, hein? Ouais. Et effectivement, il n'y a pas d'hormones dans le poulet canadien. Il y a seulement de la farine animale en poudre. Alors, ça, c'est délicieux. Ah oui? Alors, ouais, vraiment, on est content de l'apprendre. Si je me demande, c'est pas pire que des hormones. Mais tout ça pour dire qu'on continue à pas trop manger de poulet. Voilà. Ah, OK. Mon Dieu. Merci beaucoup, Fred. Hey, vous avez de l'opinion, vous, à soir. Ah, c'est terrible. Malade. Écoute, on me paye pour ça. Ah oui? Hey, on va retrouver Jean-Sébastien Girard. Jean-Sébastien? Ah, mon bon Jean-Philippe. Comment allez-vous? Hey, vous savez que ça va bien, mais j'ai votre mère en face de moi dans le public. Ben, voyons donc. Ben oui. Ils l'ont laissé sortir. Bon, comment ça va, toi? Ça prend un code d'habitude pour sortir du 7e étage. OK. Hey, mais comment ça se fait que là, vous devez être à Sochi, j'imagine, là, hein? Ben, non, Jean-Philippe, je ne suis pas à Sochi. Je suis à Montréal, imaginez-vous donc. Ben, voyons donc, il a envoyé presque tout le monde là-bas. Pourquoi ils vous ont laissé ici, vous, pour vous? Honnêtement, Jean-Philippe, le sport, puis moi, vous savez, là, je connais rien, absolument rien là-dedans. Vous donnez un exemple, là, oui. Je ne sais même pas c'est qui le lanceur de l'équipe de bobsleigh. Ah! Ben, c'est ça, c'est bobsleigh. Ah, ouais? Oui. Ben, je veux dire, c'est Bob ou Robert? C'est Bob, c'est bobsleigh. OK, donc c'est Monsieur. Hey, je vous niaise, là, franchement. Ah! Vous puis le sport. Allô? Donc, oui, c'est l'instant, mon Jean-Philippe. Je vais quand même un peu vous parler des Jeux olympiques, un peu par la bande. Oui, je l'espère, hein. Bon, vous le savez, vous en avez parlé en début d'émission. Depuis plusieurs jours, on parle beaucoup de la soi-disant homophobie qui règne en Russie. Mmh. Hein, bon, les Russes seraient bien méfiants des feufis depuis un certain temps. Ben, en même temps. Bon, en même temps, c'est ce qu'on se dit. Oui. Donc, la question que je me pose aujourd'hui, est-ce qu'ils ont raison, Jean-Philippe? Oui. Est-ce que, théoriquement, c'est dangereux? Ah. Est-ce qu'il faudrait, nous aussi, interdire leur maudite niaiserie? Ben, je suis pas contre. Personne n'est contre, Jean-Philippe, mais personne n'ose le dire. Ah. Alors, on va tenter aujourd'hui de démystifier ce petit travers avec un artiste qui a accepté de venir ici avec nous, nous parler ouvertement de son homosexualité. Donc, en exclusivité, quelqu'un qui va sortir du garde-robe. Devinez qui j'ai réussi. Ah, mon Dieu, là, mon Dieu, devinez qui. Pas Franco Nouveau, toujours. Non. Non, même ça, ça fait longtemps qu'il a fait son coming out, lui. Ah oui? Ben, je sais pas. En tout cas, s'il n'a pas fait de coming out, je veux dire, il s'en cache pas. J'ai déjà vu sortir d'un théâtre une fois. Ah! CQFD. Exactement. CQFD. Non, mais Jean-Philippe, je vais vous donner un indice. C'est un humoriste québécois. Eh, mon Dieu. Pas Yvon Deschamps, toujours? Non. Attendez que je cherche, là. Ben, je donne ma langue au chat. Déjà? Ben là, mais... ah, mais je peux fouiller. Attendez un peu. Il y en a d'autres, des humoristes, là. Attendez un peu. C'est... François Morancy? Non. Ben, OK. Attachez votre sucre avec de la broche, Jean-Philippe. Il s'agit de Alex Perron. Ben, voyons donc! Oui, madame. Ben, oui, mais est-ce qu'il en a déjà parlé? Ben, honnêtement, je pense qu'il a toujours préféré être discret là-dessus. D'accord. Mais aujourd'hui, entre deux enregistrements d'un quiz, il a accepté d'être avec nous pour en parler. D'accord. Alors, ensemble, on va faire la lumière sur l'homosexu dans quelques minutes, Jean-Philippe. Ben, je vous remercie beaucoup, Jean-Sébastien. On va peut-être venir vous retrouver tantôt. À tout de suite. OK, bye. Premier invité, Fred. Un des humoristes les plus déjantés de sa génération. Il a également le cœur sur la main en étant porte-parole d'Oxfam Québec. Accueillons le toujours très zen, André Sauvé! André! Bonjour! Soyez-vous, je vous en prie. Là, mon Dieu, quel accueil! Quel accueil! Ben, vous savez qu'il y a des gens ici qui sont venus expressément c'est pour bon, vous. Hein? Des applaudissements pour un artiste, c'est comme des patates frites pour une mouette. Puis voulez-vous que je vous dise, un moment donné, quand tu as goûté à ça, tu ne veux plus rien faire d'autre? Ah non, on ne veut plus rien d'autre. Là, on veut plus rien d'autre. C'est de la merde. Le manger après ça, il n'y a plus rien. J'ai lâché toute drogue dure après ça. Ah non, gars. À un moment donné. Puis en même temps, c'est la vraie vie, ça. On va se dire les vraies choses tout de suite. Vous prenez de l'eau? Ouais. Pas d'alcool? Vous commencez votre... C'est niaiseux, là, mais dans même pas une heure, vous commencez votre spectacle. Ah ouais, moi, tout mon rituel est fucké, là, moi, ce soir. Ah, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. Si vous avez un mauvais show, c'est de ma faute. Ben, je vais voir. Si je n'ai un meilleur, je reviendrai. Ah! Moi, je préfère une émission à chaque fois que vous avez un show. Il n'y a pas de problème. Il faut juste trouver l'argent, mais ça se fait. Non, mais on va se dire les vraies choses pour vrai, parce que j'ai lu à quelque part que vous ne vouliez pas être étiqueté comme un humoriste. Ah, ouais. Ben, j'ai jamais voulu être étiqueté, point. Non, mais là... Non, mais c'est vrai. C'est même avant, j'ai fait de la danse. Je n'étais pas capable de dire que j'étais un danseur. Vous étiez quoi quand vous faisiez de la danse? Ben, j'étais quelqu'un qui faisait de la danse. Ah, OK. Ah, ouais, non, mais pas j'aime pas me restreindre. Je suis claustrophobe psychologiquement, moi. Ah! Ouais. Et en même temps... Seul. Hein? Vous voulez pas vous retrouver tout seul avec vous? Pas nécessairement, mais pas de me sentir pogné. Comme ça, si je veux, à un moment donné, faire autre chose, ben, ouais. Je sens pas que je trahis le nom que je m'en étais affublé. Hey, c'est compliqué, ce phrase-là. Ah, mon Dieu, j'ai mal à la tête. Mais c'est pas plutôt comme un costume. Je veux dire, là, vous vous déguisez en humoriste pendant un bout de votre vie. Puis après ça, vous changez de costume. Non, il me semble que c'est pas si pire. Est-ce si pire que ça, être humoriste? Non, c'est pas par snobisme ou pirisme. Ça doit exister. Bon, je sais pas, par exemple. Pas. Non, mais, c'est, jeune, mais, moi, mais pas... par contre, je trouve des affaires que j'ai faites, celui-là, ce chapeau-là, convient à plusieurs parties de moi-même. Ouais. Je peux parler des sujets que je veux. Moi, je voulais faire du drame avant. Puis... Mais, ben, en fait, ça s'est en allé là-dedans. Et la ligne, on dit souvent que c'est vrai que la ligne, elle est très, très mince, mais j'aborde les mêmes sujets que j'aurais voulu par le drame, mais avec l'humour. Et je faisais ça sans le savoir depuis toujours. Moi, les gens qui me revoient du secondaire, des crimes, t'es le même qu'on voyait à l'école, tu fais la même affaire, que les mêmes niaiseries, mais je faisais rire avec mes angoisses, mes affaires qui me préoccupent. Ça serait du théâtre, finalement, si c'était pas d'humour, en fait. Ben, moi, j'aurais voulu des prises de parole. C'est comme ça que j'avais... Ça marche moins bien, par exemple, un 3 heures de. Oui, de je le fais, mais avec les lunettes de l'humour. Et c'est beaucoup plus digeste d'aborder les thèmes par l'humour. Là, vous êtes en tournée, je disais ça justement parce que vous avez un spectacle ce soir, demain, au 10:30. Ben oui. Hey, c'est pas à côté, ça. Ah, oh, il y a un grand parking. Ah ouais. Ah ouais, c'est pas à côté. Non, c'est... Ça, c'est la région. Ouais, c'est... Ah oh ouais, on va... Vraiment. Moi, je me fais vacciner, là, quand je vois dans le... je comprends, c'est une méchante tournée. Je prends pas de chance, J'ai mon carnet, puis... Oh, ah ouais, hein? Ouais, ouais. Ben, faut pas niaiser avec ça. Non, je t'escortais, tout le kit. Ouais, je prends pas de chance. Je comprends. Mais c'est quoi le plus loin que vous allez avec cette tournée-là? Parce que là, je cherchais, puis je me disais, bon, il y a Montréal, mais il y a surtout le 10-30. Est-ce que vous allez vraiment partout? Oui, on fait tout. Je vais jusqu'au Nouveau-Brunswick. Non. Ouais, oui, ben oui. Écoute, on se dit les vraies affaires. Ben non, c'est vrai. Ouais, on se dit les vraies affaires. Le Nouveau-Brunswick, la Côte-Nord, on fait partout le Québec. Quelle région vous préférez pour faire un show? Mais en fait, c'est pas la question que je veux ouais, poser. Oui, c'est ça. Quelle région? Votre question, là. C'est où que c'est? On sait que t'es en auto-spo. Vous étiez là, vous? Quelle région vous préfère plus? Me préfère plus? Ouais. Il y a des pépinières, on dirait dans le Québec, des gens qui sont plus démonstratifs. Et je sais que Gatineau, c'est une région... C'est vrai? Oui. Et la plupart des gens... Okay, hop, est-ce qu'il y a une personne de Gatineau dans la salle? Il y a un Gatineux dans la salle. Ah, tiens! Ah, mon Dieu! Tu vois, ils ont réagi. Ben oui. Elle vous a vu en show, il paraît. Ah oui. À Gatineau aussi? Ben, hey, tu vois, il n'y a pas de hasard. En même temps, c'est vrai. Mais en incroyable. J'étais là. Imagine-toi, il n'y a pas de même incroyable. Hey, ça, c'est un signe, ça, c'est un signe. Fait que vous me direz s'il est meilleur ce soir. Hein? Ça pourrait être un bon... toujours est-il que si vous pognez plus à Gatineau, dans quelle ville pognez-vous le moins? Ah, ça, c'est délicat. Non. Non, mais c'est pas tant de moi, mais il y a des publics qui sont plus réservés. Ah oui, plus réservé. Ouais. Grande B, c'est réservé. Ah, c'est ouais. Oui, c'est comme ça. Pourquoi les c'est gens pas tant qu'on ne pogne moins. J'ai arrivé à déceler aussi sur scène. Moi, quand je mets le pied en avant, ouais, après deux minutes, ouais, je sais à qui j'ai affaire. Parce qu'un public, c'est une motte. C'est un tout. Ça a une personnalité bien à soi. Ouais. Et il y a des, il y a des pépinières, qui sont démonstratives comme Gatineau. Il y a des gens qui sont plus réservés. Grande B, je ne sais pas. C'est plus réservé. C'est pour ça qu'ils n'aiment pas. Je ne sais pas trop. Ils ont peut-être en cage l'animal en eux. Ah, oh, tabarnak! Là, venez. Hey. Ah, non. Ben, c'est pas de l'humour gratis, là. Ben, là, quand même. Hein? Puis je bois de l'eau. En plus, mais sur tout ce que vous écrivez, là, parce que vous écrivez en fait sur vos angoisses. Entre autres. Oui, beaucoup quand même, je dirais. Bien, entre autres. Mais c'est ce qui me préoccupe, c'est ce que j'entends, c'est ce que je pense. Oui, mais pas uniquement les angoisses. Peut-être que j'ai mal utilisé le mot angoisse. Vous écrivez sur ce que vous pensez, mais vous devez écrire beaucoup pour avoir un spectacle qui se tient. Là, c'est votre deuxième, c'est le spectacle ouais, Être. Ça vous a pris combien de matériel pour arriver à ce que vous présentez? Mais non, je n'écris pas pour faire un spectacle qui se tient. Je le découvre. Arrêtez donc. Non. Ah, oui. Mon Dieu, mais vous êtes là, pas... Si ben non, mais non, mais c'est parce que... Ben non, mais c'est niaiseux, mais nous restons encore. Non, mais regarde, c'est vrai, je ne pense pas cohérent quand j'écris. C'est à la fin, c'est comme un puzzle. C'est à la fin que je vois que, OK, ça peut aller là. Il y a une unité parce que, bon, c'est moi, tu sais. Puis, mais en même temps... ouais, c'est ça, ça aide. Même si on est multiples. Mais il y a une unité qui se forme, mais je n'écris pas. Comme le titre a été la dernière chose que j'ai trouvée du spectacle. C'est une facile, par exemple, là, à être... Facile. Hey, tu trouves tout? Et si bol. C'est un mot. Non, ben attends, il y a un accent circonflexe. Ah, chapeau dessus. Ouais. Vous l'avez mis, hein? Oui, je l'ai mis. Oui, hey, ça doit de porter un petit chapeau. Okay. Mais c'est ça, je n'écris pas avec cette unité-là. Et ça n'en fait un. Ça fait un. Au même titre que souvent un numéro, je ne sais pas ce que je vais aborder, je tricote là-dedans, mais ça, et elle a fait, ah, c'est de ça que ça parle. Je travaille à l'envers. J'écris pas ce que je sais, j'écris pour savoir. Ah. C'est de l'autre bord. C'est aussi une thérapie. Ah, ben ça en fait une, veut, pas. Ouais. Bon, ben toute forme d'art, je pense. Tout ce qu'on régurgite est thérapeutique. Bon, parlant de régurgie, vous avez... Non, mais ça me prenait un lien, puis j'en trouvais un bon. Parlons de bye-bye. Parlons de bye-bye. non, parce que... le petit goût surette, ici. Non, mais on va... Regarde, on se dit des vérités. Le bye-bye 2013, on l'a annoncé en grande pompe, devait réunir 873 humoristes. 800, soit, ouais, à peu près. Soit, ben, il y a François qui... Ça, c'est après l'écrémage. Ouais, c'est ça, exact. Et finalement, on l'a écouté, le bye-bye, et il y avait très peu d'humoristes. Oui. Même vous, qu'on avait aussi annoncé en grande pompe, André Sauvé va faire le bye-bye, on avait très hâte de voir qu'est-ce que vous alliez faire. Finalement, on a été un petit peu déçus parce que vous aviez un bon 8-9 secondes. Oh, peut-être Obama, 10, un 8 US. Là. Un 8 US. Puis en plus, le taux de change est bon, fait qu'un 12. puis on a vu aussi dans le making-of que vous aviez un numéro qui a été coupé. J'ai été amputé. Ben oui. Ben oui, non, c'est ça. Ben alors, oui. Ce que je veux savoir, c'est est-ce que ça vous a mis en maudine de bine de voir votre numéro coupé? Pas en comment je dirais ça? Moi, je pense que ces décisions-là sont... Moi, je pense, à mon humble avis, il y aurait eu sa place. Et dans le sens, comme Louis disait, bon, il s'est coupé un bras à ce niveau-là, à regret, il y avait le temps, parce qu'il coupe beaucoup dans le bye-bye. Et il y avait dans le temps, à un moment donné, il faut que ça file. Il faut arriver à minuit, là, c'est bon, là, tu sais. Et puis, mais c'est vrai, moi, je pense qu'il y aurait eu sa place tout de même, malgré ça. C'est mon humble avis. Mais là-dedans, moi, je n'ai tellement rien à dire dans ça, dans le sens où, de mon avis là-dessus, c'est, écoute, moi, je disais, allez-y pour le show. Moi, dans ces affaires-là, je dis, allez-y pour le produit final. Il n'y a pas d'amour propre. Et non pour l'ego dans ces affaires-là. Non, mais exactement. Mais vous le dites qu'il s'est coupé un bras, on l'a reçu il y a peut-être 2-3 semaines. Puis il y avait le bras? Il y avait ses deux bras. Ah ouais? Oui. Ah oui, il n'y a pas. Il y en avait un dans le dos, c'est ça. C'est son troisième. Mais n'empêche, ça doit être difficile de voir son matériel se faire couper. Qu'est-ce qui s'est passé dans toute cette histoire-là? Parce que on pensait, en fait, l'idée, là, c'est que s'il y a tant de matériel qui a été coupé, pourquoi on n'y a pas un bye-bye B? Ah, ça serait une bonne idée. Un B-side. Ben oui, ça serait une bonne idée. Mais je sais pas, écoute, c'est que... un B-side, c'est ça. Ah oui, ça serait spécial, non? Ben oui, possiblement, mais j'ai tellement là-dessus, moi, j'ai tellement pas... Moi, on m'a offert ça, je l'ai fait, après ça, ils font que... Mais c'est vrai qu'ils ont rentré l'autre équipe parce que c'était peut-être trop disloqué de ce qu'ils disaient de faire. Puis tout le monde, on est des loaners aussi. C'est ça, hein? Fait qu'on n'est pas des gens qui travaillons en équipe. Donc, c'est peut-être ça. Ça aurait peut-être donné un projet plus disloqué. Et moi, dans ça, je me dis, allons-y pour le produit et non pour les égos. Là, le bye-bye est libre là, pour 2014. Là, vous êtes intéressé? Non. Parfait. Non. Bon. Non. OK. Non, c'est pas quelque chose qui m'intéresse nécessairement. C'était quoi? Mais parce que ça parle d'actualité, dans le fond, puis vous parlez pas beaucoup d'actualité. J'ai rien à dire là-dessus. En fait, ça ne m'inspire pas. Ça ne m'inspire pas, étonnamment. Rarement. Moi, c'est la première chose que j'ai dit quand on m'a approché pour ça. J'ai dit, si, bon, je la suis, l'actualité, mais ça ne m'inspire pas. J'écoute ça, il ne vient pas de joke. C'est pas ça qui Vous écoutez là, chez les histoires de chat, vous n'avez pas de joke. Non, ça ne me vient pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est notre politique à nous, interne. Celle-là m'intéresse, tu sais. Puis celle qu'on voit à l'extérieur, elle est juste un reflet de la nôtre. Ben oui, on est juste un reflet de ça. On a un parlement dedans de soi, on a un débat, on se passe des enveloppes brunes, on a ça en dedans de nous autres, tu sais. Mais c'est ceux-là qui m'intéressent, tu sais, c'est ceux-là. Et celle qu'on voit à l'extérieur ne peut être qu'un reflet de la nôtre. C'est nous autres qui l'a fait, ça n'a pas été imposé. Chacun a un Justin Trudeau en dedans de lui. Hein? Ça... C'est plate, hein, c'est ça. Hein, ouais. Ça plaît pas à tout le monde, ils ont c'est comme pris ça. Une gorgée de bière en ce moment. Ils essaient de le faire passer. André, vous restez avec nous? Ah, ben on va oui. recevoir Rémi Girard. Ben oui, je vais être là. Parfait. Ouais. On va être juste pour votre début de spectacle. Ah ouais, c'est bon ben ça. Regarde, c'est on n'a pas de problème. Bon. Au pire, ils attendront. Ben, écoute, ils ont payé. De toute façon, un spectacle commence à l'heure n'est pas un bon spectacle, à mon avis. Ah bon, c'est vrai? Il jouait dans les appartistes. OK. Ouais. Et on commençait toujours en retard. Des fois, un an en retard. Hey, vous savez que c'est le grand retour de Serge Quelque Chose qui est en direct de quelque part pour nous parler d'une vente quelconque. On écoute. Tu cherches quelque chose? Ben, il y a des chances que je l'ai. Salut, c'est Serge Quelque Chose en direct de la grande vente de liquidation du Sénat à Ottawa. Hey, mon ami, tu cherches des meubles? Viens voir ce qu'on a en stock parce qu'ici, on est sur le bord de fermer. Des belles chaises, beaucoup servies, mais quelque chose de sharp avec des bras en cuir et des armoiries médiévales. J'en ai 105 exemplaires. Idéal pour faire une sieste d'après-midi ou s'endormir devant les jeunes loups. Faut juste gratter les traces de bave dessus. Justement, qu'est-ce qu'on fait quand on est assis devant la télé? On mange. Sauter sur nos kits de manger mou à saveur brun ou vert pâle. Ça vient avec une pastille de Polydent puis une cacane de Boost. Demandez-moi pas si on a des oreillers. Ben oui, on a. On a même des housses avec la face de Harper qui tient un Timinou. On a aussi le modèle avec un chien Sheila et un Maxime Bernier. On a aussi des kits de démarrage sur l'évasion fiscale. Ça comprend la fausse facturation pour les nuls, les paradis fiscaux plus près qu'on ne le croit, ainsi qu'un paquet de 100 feuilles de papier carbone. À l'achat de 10 kits, obtenez l'excellent roman de Yannick Martel, Life of Pet. Si vous passez avant 21h, on double la mise sur tout ce qui appartient aux libéraux et vous pouvez participer à l'encan silencieux pour acheter le bureau de Patrick Brazo, muni d'un double fond. Ça vient avec une paire de gants de boxe qui, au lieu de donner un coup de poing à ton adversaire, t'en donne un à toi. Pour un temps limité, la grande vente de liquidation du Sénat parce que c'est à votre tour de partir avec la caisse. Ah, ben, le bureau de Patrick Brazo me tente. Moi. Ouais, hein? On va les trouver, Jean-Sébastien Girard. Jean-Sébastien! Alors, tel que premier, mon bon Jean-Philippe, ouais. Je suis avec Alex Perron, homosexu et humoriste également. Alex, merci infiniment d'être avec nous. C'est un plaisir partagé. C'est fin. Alors ensemble, Alexandre, on va tenter de comprendre votre petite perversion. Mais tout d'abord, si vous le voulez bien, j'aimerais beaucoup vous entendre réagir sur différents sujets d'actualité liés à l'homosexualité. On en parle beaucoup depuis quelques semaines dans les médias en région des Jeux olympiques, entre autres choses. En Russie, on l'a dit en début d'émission, il y a cette fameuse loi anti-gay. Vous savez, cette loi qui interdit aux adultes de faire la promotion de l'homosexualité aux mineurs. Vous en pensez quoi, vous, de ça, Alex? Parce que je veux dire, on est visiblement allé pas mal fort sur la promotion avec vous quand vous étiez petit, hein? Ben, effectivement, et je pense que le résultat est là. Et je trouve vraiment dommage qu'on puisse pas faire un peu de promotion. Je pense qu'on est vraiment dans une société où la pub est forte, la compétition est forte aussi. Je trouve que particulièrement en Russie, on perd beaucoup de gays. Il y a de plus en plus d'hétéros. Et il faut combattre ça. J'aimerais ça qu'on revienne au moins, un peu comme Mme Marois, je vise pour 2017 le 50-50 au niveau gays hétérosexuels. Ce serait vraiment extraordinaire. Ce serait même une joie dans mon cœur. Je comprends beaucoup, Alexandre, votre point de vue, mais quand même, la loi, vous conviendrez avec moi, semble bien fonctionner. Dans une entrevue donnée récemment à la BBC, il y a le maire de Sochi qui dit « Dans notre ville, il n'y en a pas d'homosexuels. » Évidemment, on s'entend, ça a quand même certains avantages. On imagine une ville sans homosexuels. Bon, des exemples ici qui me viennent en tête, bon, des enfants qui peuvent jouer librement dans les parcs. Moins de condoms souillés qui traînent partout dans les rues. Moins de mauvais animateurs à la télé, tout ça. Est-ce que c'est quand même... Est-ce que c'est quand même intéressant comme perspective, ça? Là? C'est sûr que c'est intéressant. Par contre, je trouve qu'on y perd au change. C'est-à-dire qu'il y a moins d'espace fleuri. Alors, on va quitter, si vous le voulez bien, Alex, de l'actualité internationale, parce qu'il se passe des choses ici au Québec. On va en parler dans quelques minutes. Mais avant, on va écouter le billet du très hétérosexuel Fred Savard. Vous écoutez La soirée est encore jeune, animée par Jean-Philippe Boutier sur Ici Radio-Canada Première. Génial. Une rare émission qui n'a envoyé personne à Sochi. On regrette de ne pas avoir envoyé Jean-Sébastien. Oui. Et voilà, et toi, chose. Fred! Oui, bien justement, permettez-moi de ne pas me joindre à la chorale mondiale des Béni Oui Oui qui vibre pour les Jeux olympiques d'hiver qui débutent aujourd'hui. Je sais, nous sommes diffuseurs officiels à Ici Radio-Canada, mais malheureusement, j'ai le regret de vous apprendre que ma flamme olympique a la mèche humide cette année. Et non, je n'ai pas envie de festoyer comme mes concitoyens qui voient dans ces Jeux olympiques matière à célébrer l'esprit sportif et le dépassement de soi. Je sais, plusieurs jovialistes diront que je pisse du vinaigre sur un événement qui unit les peuples. Et oui! Du vinaigre balsamique, peut-être. Un foodie reste épicurien, même dans la médisance. Mais je dirais non, pas pantoute, ça n'unit pas les peuples, particulièrement cette année à Sochi. Parlons seulement des gays, lesbiennes et transgenres, dont les droits sont bafoués en Russie et presque personne ne lève le petit doigt pour s'en offusquer à part Denis Coderre et son drapeau pastel sur le mât de l'hôtel de ville. C'est très courageux, oui, de contester Vladimir Poutine à 10 000 km de Moscou. Mais j'espère que les athlètes présents à Sochi manifesteront vigoureusement contre cette homophobie à la russe digne du Moyen-Âge. Et en attendant qu'on trouve un vaccin pour guérir cette terrible maladie. J'ose croire que les 10 à 15 % d'athlètes souffrant de la même affliction se lèveront et brandiront le poing rose, comme le firent Tommy Smith et John Carlos en 1960 à Mexico, en brandissant le poing ganté de noir en support aux Black Panthers américains. J'espère que les athlètes ouvriront le pas à un immense rejet des politiques de Poutine afin qu'ils reculent sur ses positions homophobes qui, bien honnêtement, camouflent probablement des penchants homosexuels latents chez lui, si vous voulez mon avis, de psychologue de fond de poubelle. Regardez-le un peu quand il pêche l'ours polaire, quand il chasse l'aigle à main nue ou qu'il terrasse une tribu tatare avec une seule prise de judo. Il est presque toujours torse nu, ruisselant d'une force homo-érotique propre à bien des gens de droite qui n'osent pas s'avouer leur vraie nature. Mais j'avoue également me sentir sale de regarder ces Jeux olympiques alors que l'économie mondiale est si fragile. On nous parle de nuages sombres à l'horizon, d'austérité, de programmes sociaux qui coûteraient trop cher et pourtant, on envoie des milliers de personnes faire des compétitions de glissage sur la neige, de tournoyage en jupette sur glace et de tirage à la carabine respirant fort au nom de la fierté d'un pays, le Canada. Quand je pense que depuis des mois, on se déchire au sujet de la charte de la laïcité dans un débat qui dérape presque autant qu'un bob à 4 dans une courbe à 30 degrés. Et voilà qu'au même moment, nous faisons l'apologie d'une manifestation sportive loin d'être inclusive, mais qui au contraire nous divise du reste du monde. Parce que vous ne me ferez pas dire que quand l'équipe féminine de Gouret plante le Japon 18-0, c'est une manifestation inclusive. Et quand notre patineur canadien en courte piste fait tomber ses adversaires coréens et américains pour se sauver avec la médaille d'or, vous ne me ferez pas croire que c'est inclusif. Et quel gaspillage en plus que ces Jeux de la honte. 50 milliards dépensés en grande partie dans des installations qui seront désuètes 3 jours après la fin des Jeux. Vous me direz, on s'en sac, c'est pas chez nous, c'est pas notre argent. Oui, peut-être, mais ça me ramène aux douloureux souvenirs de nos propres Olympiques qui ont coûté toute une beurre et dont la plupart des installations ne servent plus à entretenir la flamme olympique chez notre jeunesse, beaucoup plus prompte à s'obésiser, entretenue par la flemme olympique. Que reste-t-il de nos installations olympiques? Presque rien, à part un stade vide à l'année longue avec son toit qui coule et un vélodrome transformé en exposition permanente de pingouins. Non! Je suis désolé, mais ma flamme olympique s'est tue. Probablement autour de 88, aux Olympiques de Calgary. J'avais 17 ans. Elizabeth Manley était notre héroïne canadienne de l'époque. Elle nous demandait si nous voulions un monsieur juteux. Il fallait d'abord l'attraper, mais tout le monde finissait par en avoir. Même le petit troll anglo-canadien qui préférait les monsieur juteux à saveur orange. Alors, je la pose la question. Que reste-t-il des monsieur juteux? Que reste-t-il de l'esprit olympique? Bien peu de choses. On a vendu l'olympisme sur l'autel du mercantilisme et les monsieur juteux sont maintenant interdits en Russie. Mon Dieu! C'est une de vos bonnes. Hey, il y a M. Curzi qui est dans le public. Bonjour, M. Curzi. Ah, un hey, mon Dieu. Regarde, on pile sur René et on fait une émission de 2 heures. Bon, hey, on va aller trouver Jean-Sébastien Girard. Jean-Sébastien? Oui, Jean-Philippe, toujours avec Alex Perron. On tente, vous le savez, de démystifier les avertis. Alexandre, il n'y a pas seulement qu'en Russie que le sujet est chaud, on entend aussi parler. Donc, à Paris et à Lyon, dimanche dernier, encore une fois, 100 000 partisans de la manif pour tous ont défilé pour défendre ce qu'ils appellent la vision traditionnelle de la famille. En même temps, Alex, est-ce qu'on peut quand même nier qu'une famille, ça demeure quand même la cellule connue, en fait, celle que moi j'ai connue, c'est-à-dire une cellule composée d'une mère dépressive, un peu hystérique, un père absent, généralement violent, alcoolique. Je veux dire, je regrette pour moi, une cellule familiale, ça ne sera jamais composé de 2 hommes sur l'ecstasy qui élèvent un bébé en écoutant paquet voleur. Effectivement, là-dessus, je dois te donner raison. Il n'y a rien de mieux qu'une mère dépressive pour bien élever un enfant. Moi, tout ce que j'aurais envie, c'est de jouer à la Barbie, peut-être même voler celle de mes enfants. Alors, je me dis, pourquoi m'embarquer là-dedans? À quoi ça sert? Non, restons avec la tradition. Et vous remarquez aussi que je regardais les reportages en France et souvent, les gens qui prennent la parole n'ont pas de dents dans la gueule. Y a-t-il un lien? Je le sais pas. Il n'y a pas mieux qu'un gay pour avoir une belle dentition, Alex. Alors, on va revenir ici au Québec, si vous le voulez bien. L'homosexualité est très préoccupante également. Il semblerait qu'il y ait une hausse de l'homophobie dans le village. Comment on explique ça en 2014? Est-ce que, Alex, votre coupe de cheveux pourrait participer à la montée de cette violence? Je pense que c'est possible. Je subis énormément de pression par rapport à ma coupe de cheveux. J'en ai parlé avec Jean-Philippe, qui a quand même une coupe aussi caractérielle, je dirais. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on veut aller là? Est-ce que, dans le fond, on cache pas autre chose avec ces cheveux-là? Est-ce que je suis pas la représentation d'une tête? On est parfaitement d'accord. Enfin, Alex, pour la sécurité des gays, il y a le maire Coderre qui nous a annoncé cette semaine qu'il avait l'intention d'installer des caméras de surveillance, entre autres dans le village. Ça risque pas d'être gênant pour certaines personnes. Je veux dire, par exemple, ça serait pas inconfortable pour un gars, je donne un exemple, qui entrerait, sortirait du sauna à longueur de journée et qui serait président de la STCUM, par exemple. Effectivement, c'est un très bon exemple. Je dis pas que ça pourra arriver, mais effectivement, vous touchez un point important. Puis, tu sais, moi, je pense à certains journalistes, certaines dames aussi, on en connaît, qui travaillent dans d'autres stations de télévision, qui pourraient aussi marcher dans le village. C'est dangereux. Et, je veux dire, l'été, c'est quoi? On va être obligé de se promener habillé sur les rues? Est-ce qu'on va pas continuer à courir tout le monde tout nu de parc en parc? Tant qu'à ça, mettez-nous dans des cages. Mais c'est pas ce qu'on vous souhaite, Alex. Mais pour moi, c'est maintenant déjà terminé pour mes questions. Mais on invite, comme d'habitude, le public à vous poser des questions sur vous, sur votre carrière, sur votre condition. Alors, vous pouvez nous écrire à lasoirée@radio-canada.ca. Et on vous revient dans quelques minutes. Merci, Jean-Sébastien. Merci beaucoup. Bon Dieu. Sa mère est gênée. Ouais. Je la regarde depuis tantôt. Pas autant que moi. Hey Fred, notre deuxième invité. Il nous a annoncé le déclin de l'Empire américain et les invasions barbares et continue toujours de nous charmer grâce à son immense talent. Accueillons M. Rémi Girard! M. Girard! Est-ce que je vous offre une bière? Hein? Une bière? Oui. Ah ben j'espère bien. C'est une bière sans gluten. C'est pas mauvais. Bon, enfin, hein? J'aurais mis un peu de gluten, mais... Mais non, mais... On a un petit, une petite saupoudre là, de gluten. Là. Enfin, ouais, on peut en mettre un peu. Comme ça, je saurais ce que c'est. Ah, oui. Ils font en patch à cette heure. Ah, t'as ton gluten à porter de la main. Tu veux gonfler, là. Tirez-vous du gluten, donc j'essaie d'arrêter, merci. Ah, hey, hey, non, on va se dire les vraies affaires, parce qu'on se dit les vraies affaires aussi avec oui, André. C'était rough, c'était rough. Non, c'était pas... C'était vrai, c'était profond. C'était pas... On va essayer d'être aussi profond. Vous êtes animateur sur, de tout un cinéma sur Espace Musique. Oui. Et là, je me disais, bon, là, vous êtes sur une chaîne qui est écoutée. Est-ce que ça... Non, mais c'est... Assez bien, d'ailleurs. Oui, oui. Ça marche assez bien. Oui, mais là... Comment ça, vous êtes un animateur de radio en plus? C'est ça, c'est un bel accident de parcours, ça. C'est ça, hein? Tout un cinéma, c'est un espace musique, c'est évidemment, ça concerne le la cinéma. La musique de film. Oui, tout à fait. Allez-y. C'est arrivé il y a 3 ans, durant le temps des fêtes, puis on m'a demandé à Espace Musique, bon, t'aimes la radio, tout le monde sait que j'ai un collectionneur, j'ai un restaurateur de radio ancien, tout, bon, l'histoire de la radio, je m'en suis toujours passionné. Tu fais du cinéma, t'aimes la musique de film et tout, est-ce que tu essaierais de faire, je sais pas, un spécial de 4 heures dans le temps des fêtes? Essayer de faire un spécial de 4 heures. Oui, 4 heures de musique de film, go, on y va. Et ça a marché. Bon, ça a marché, puis c'est ça qui est arrivé. Malheureusement, mais non, mais je, non, mais là, vrai. Vous n'êtes pas à la même heure, vous autres, c'est correct. Non, on n'est pas, comme je dis, c'est Espace Musique, c'est pas grave. mais qu'est-ce qui vous fait triper tant dans la radio? Parce que vous continuez, c'est la troisième saison. Là. Oui, la troisième saison, c'est de parler, c'est de raconter des histoires, parce que c'est le principe de l'émission. On entend, souvent, on a la musique de film, elle nous revient en mémoire une fois qu'on la réentend. Ah oui, j'ai entendu ça quelque part. Ah oui, je connais ça. Et moi... ce que j'essaie de faire, c'est de faire trouver les images dans leur tête aux gens, leur faire revoir les images du film. C'est ça que la radio permet. Oui, parce que tu parles à une personne à la fois. C'est ce que j'aime. Mais il n'y a personne quand même au Québec de mieux placé que vous pour parler de cinéma. Parce que l'intérieur. Oui, bien là, j'ai fait des recherches et j'ai pas été capable de trouver 3 films dans lesquels vous n'étiez pas fait au Québec. C'est difficile de trouver un film. Oui, c'est bien sûr qui n'ont pas marché, évidemment. Mais non, j'ai fait beaucoup de films, une quarantaine de films à peu près. Et puis c'est pas fini, encore des projets, mais c'est... j'adore ça. C'est ce que j'aime le plus, c'est le plateau. On disait que vous étiez dans plusieurs films, c'est parce que vous recevez beaucoup de propositions. Oui. Comment on fait pour choisir? Ouf, je vais vous dire une chose. Vous l'avez vu dernièrement dans les médias. On a des grandes difficultés de financement au cinéma. C'est très difficile. Je dis toujours qu'un film qui se fait, là, quand tu arrives le premier jour de tournage, c'est un petit miracle. On a réussi à trouver le financement, on a réussi à trouver tous les acteurs, on a réussi à avoir un scénario qui a de l'allure. Et ça arrive comme ça, et c'est un miracle à chaque fois. Il y a beaucoup, plus que la moitié des projets que je reçois, puis des beaux projets des fois, des scénarios, ne se font jamais. Ou ils vont se faire... moi, je me souviens, Louis Cyr. Ouais. Quand Antoine a reçu la proposition de Louis Cyr, on tournait les Bougons. Ça fait longtemps. Dieu, ça fait longtemps, ça. Ça veut dire que ça fait presque 10 ans que ce projet-là est en route. Et à un moment donné, tu te décourages, tu dis ça se fera jamais. Ou là, ça se fait, puis t'es plus libre. Tu sais, ou ça se fait, puis t'es plus là. Ou ça se fait, puis tu tentes. Ouais, c'est ça. Ou ça se fait, puis tu te casses la gueule. Non, mais c'est ça. C'est arrivé aussi. Supposons que le projet. Je ne suis pas de Togo. Ça l'arrive des fois. Qu'on se casse la gueule, comprenez-vous. Mais là, avoir le choix de même, c'est le fun, parce qu'on peut choisir que des bons projets. Oui, on peut choisir des fois. Je le vois venir. Aïe, j'ai même pas encore dit hot dog, tu sais. Ah! Oui, mais moi, je l'ai pensé, par exemple. Ben là, si le chapeau vous fait, mettez-le. Ça me joint 18 roues qui reculent. Non, mais ça, c'est intéressant. Bon, hot dog, je l'ai vu. Hein? Et parce que je recevais Éric Salvaille, puis je me dis, faut que j'écoute mon ami Éric. Je vais voir s'il est bon. Puis honnêtement, il est bon, Éric, dans ce film-là. Bon. Mais là, je me suis demandé, c'est quand même pas le déclin de l'Empire américain, ce film-là. Hein? Non, c'est une comédie grand public. Ah! C'est là que j'ai manqué le bateau. Mais je me demandais, quand vous recevez un script comme ça, là, est-ce que vous le savez au départ, en lisant le script, est-ce que vous dites, bon, ça va marcher ou ça marchera pas? Non, jamais. Vous savez jamais même ça? Pas. Comme le déclin? Pas le déclin, non. Les invasions, quand j'ai lu les invasions barbares, mais là, c'est pas pareil, parce qu'il y avait eu le déclin avant, puis comme on était dans une déjà. Mais le déclin. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai dit, je vais me faire tuer. Je pourrais plus sortir dans la rue, les femmes vont me tomber sur la tête. Oui, c'est sûr que c'est pas... Mais on se disait, ça passe ou ça casse et tout. Ouais. Mais jamais, on n'aurait pensé, personne sur le plateau, qu'on aurait le succès international qu'on a eu. Ça a changé votre vie, le succès du déclin de l'Empire américain? Moi, j'arrive de nowhere. Ben, vous arrivez de Jonquière, premièrement. Moi, je viens de Ville-de-la-Baie. Jonquière, c'est beau, mais c'est pas aussi beau que Ville-de-la-Baie. Oh, ben là, tu vas m'arrêter. Ben là, voyons. Hey, c'est Jonquière. Tu vas m'arrêter. Jonquière, la rivière, je sais plus chaud. Vous allez m'arrêter ça. On a des belles choses. Ben là, vous avez des belles choses. On en va bientôt. Vous aviez votre restaurant chez Bobby, mais ça a fermé. Je peux pas dire. Non, non, il n'y a pas grand-chose. Bon, on enchaîne. Oui, excusez-moi. Non, mais hey! Hey, voyons donc. Jonquière. Arvida, je dis pas, mais bon. Peu importe. Ça a changé votre vie. Ah oui, Oui, ça a changé ma vie d'acteur, parce que d'abord, j'ai raconté cette histoire-là, mais j'avais reçu le scénario, Denis, il pensait à moi, comme pour le personnage. Moi, je suis pas connu, j'ai le rôle principal, c'est très rare au cinéma que... Tu mets un budget de plusieurs centaines de milliers de dollars sur quelqu'un qui est pas connu, mais il avait dit au producteur, vous allez voir, je me trompe pas. Okay. Mais moi, j'ai reçu le scénario et j'étais content. Mais les producteurs ne voulaient rien savoir. Donc, ils me rappellent, il faut que tu passes une audition. Tu sais. Ah. J'ai dit, ah bon, OK. c'est écrit pour moi. Oui, mais ils disent, ils ne veulent pas. Ça te met confiance. Ça part bien. Ça part, ouais. S'ennuie Jonquière. Oui, je voulais pas être rendu là, tu sais, ou dans la semaine, là, que sont-ils devenus? C'est ça. Je trouvais qu'il était trop de bonheur là, dans ma carrière pour ça. C'était vite un peu. Dans 10 ans, peut-être. Oui, c'est ça, mais là, sacrifice. Et là, j'arrive, moi, pour passer l'audition, fait que Denis, il dit, t'es-tu prêt? J'ai dit, oui, je suis prêt. C'est la scène où il raconte que sa femme avait ses menstruations. Ah oui, c'est ça. Un grand monologue, là. J'ai dit, ouais, mais là, regarde, c'est juste une audition, hein, Denis. Hey! Ils te veulent pas. Tu l'as pas le rôle, là. Ça fait que grouille-toi le d'ordure. Là, j'ai pogné. Ouais, et là, ça m'a comme donné un. Oh, boy, c'est sérieux, là. Faut se forcer, là. Oui, et j'ai eu le rôle. Bon, ben, tu vois, ça a bien fait. Mais ça a changé tout. Parce que, normalement, on se fait connaître par la télévision, c'est sûr. Moi, ça a été par le cinéma. Mais vous êtes, la télévision est venue après. Parce que vous avez pas fait un bye-bye, ou même me semble, chronologiquement. Bye-bye 82. C'est ça. Puis le déclin, c'est quelle année? C'est 86. Le début du tournage. Bon, j'avais commencé un peu à faire des rôles. J'ai revu un sketch hilarant, d'ailleurs, d'une parodie de Terre humaine avec la poune qui faisait E.T. Je suis dans le bye-bye de la poune. Oui. Avec Jean-Sébastien, Gérard, on raffole. Moi, c'est des souvenirs d'enfance. Ce sketch-là, et Serge Thériault fait pépère. E.T. Ah non, mais c'était écœurant. E.T. avec sa grosse voix. Je me souviendrai toute ma vie. On enregistrait au CIR, là, près de l'Expo Théâtre. Puis on avait une panne d'électricité, on a dit, qui avait duré un certain nombre d'heures. Quand tu enregistres le bye-bye, tu n'as pas le choix. Faut que tu reprennes l'enregistrement. Tu peux pas dire, on revient demain. Parce que, et là, la poune s'est assise à côté de moi dans le noir, elle m'avait raconté sa carrière. Écoute-moi bien, mon chien. Oui. C'est la première fois que je mets pied à Radio-Canada. Ça fait 60 ans. C'est la première fois que je mets pied à Radio-Canada. Je suis assez fier. 60 ans de carrière de crouer-tu, mon chien. Un grand moment dans Noirceur, André. Un grand moment. Il y a des gens qui ont des grands moments dans Noirceur. Mais celui-là, ça va être un beau, ça. Eh, bon boy. Moi, j'invite les gens à les revoir, parce que c'est sur YouTube, ce sketch-là. Oui. Et... Terre humaine rejoue depuis des années en reprise. Et quand tu connais Terre humaine et que tu vois le sketch, ouais, c'est très, très, très bon. Vraiment. Oh oui, il fallait que j'imite Provo. Non, c'est pas un grand souvenir dans ma carrière. Mais ça a bien dit. J'avais le sketch avec Claude Meunier, les frères Schiller. Là. Oui, papa. Ouais. Ben, on va aller voir ça. Hey, c'est déjà fini. Je voulais parler de théâtre. Puis Mario Stéphanie, vous êtes en tournée. On est en tournée. Ben oui, vous êtes en tournée. C'est vrai, Gatineau, c'est bon, Gatineau. Ah, c'est vrai, toi, tu vois. Ben, il y a quelque chose avec Gatineau. Est-ce qu'il y a des gens de Granby ici? Ben moi, j'ai habité 5 ans à Granby. Ah, ben c'est ça. C'est là que c'est comme ça. Ils disent pas, sont réservés. C'est ça. Ils sont bien gênés. Ils sont bien gênés. Je suis pas né là. Gérard, ça me fait plaisir. Il nous reste encore un chroniqueur. Ben allez-y. En russe, le mot jambon se prononce okopok. Voici donc la chronique d'Olivier Niquette. Et on apprend des choses, hein, dans cette émission. Ah non, mais hey! Un dur fin de semaine pour les résidents de Québec, alors que des femmes débarquaient au carnaval pour montrer leur poitrine à bonhomme et accessoirement pour dénoncer le retour des duchesses qui n'a pas plu du tout à Denis Gravel de Radio X. Pourquoi on fait pas juste rire quand de pauvres sottes se montre les boules dans une activité je trouve qu'il a fait familiale. Et son co-animateur, Jérôme Landry, avait quant à lui une hypothèse pour expliquer le comportement de ces pauvres sottes. Oui. Est-ce que t'es mal baisé quand tu fais ça aussi? Quand t'es jalouse des duchesses qui sont belles? Mal ou pas. Un des deux. Ou pas du tout baisé. Ouais. Oui, on sous-estime trop souvent l'abstinence comme facteur de changement social. Sylvain Bouchard, du FM 93, refusait lui aussi de condamner les duchesses, expliquant que partout à la télé, les filles sont belles puisque ça fait partie de leur description de tâche. Si la fille, je veux pas être méchant, là, si elle pèse 350 livres, puis elle a la face tout croche, ben elle pourra pas faire de TV. Comme moi, avec mon physique, je peux pas jouer au football. Hier, je voyais ça, le Super Bowl, j'aurais aimé ça, moi. J'ai pas lâché pour. Voilà, il faut avoir une belle face pour passer à TV, des gros muscles pour jouer au football et résonner avec ses pieds pour faire de la radio. D'autre part, Régent Tremblay, qui couvre les Jeux olympiques pour Radio X, a eu quelques problèmes avec une chambre d'hôtel dont les murs sont minces et un voisin qui ne parlait probablement pas à une militante des Femmes. Dans la chambre 307, à 2h du matin, il a appelé sans doute madame, j'espère que c'est madame, mais je ne sais pas la langue, mais je sais. Et en ce moment, le gars de la chambre 307 est en train de raconter à Radio X Bulgarie que son voisin égorge des cochons. D'un autre côté, Richard Martineau à LCN revenait sur le cas des commentaires racistes autour de la dame étranglée par son foulard dans le métro, estimant qu'on ne devrait pas accorder trop d'importance aux réseaux sociaux parce qu'ils sont utilisés sur le coup de l'émotion, contrairement à sa chronique qui, elle, est relue. Elle est relue par 3-4 personnes avant d'être vraiment publiée dans le journal. On va prendre une seconde pour assimiler cette information surprenante. OK, on continue. Tandis que Christian, là, c'est comme... Boum! C'est ça, puis c'est assez anonyme. Puis comme a dit Jérôme, c'est que ça attire une partie de la population qui est frustrée, en fait. La plupart du monde ordinaire, ils ont une vie à vivre, puis ils sont pas toujours en train de tweeter. Contrairement à Richard Martineau, qui, lui, n'a jamais l'air frustré dans ses chroniques, sauf lorsqu'il utilise des majuscules, c'est-à-dire pas mal tous les jours. Continuons avec Christian Dufour. Puis moi, je trouve ça dommage de voir les réseaux de télévision qui vont nous donner les nouvelles officielles, puis là, ils vont se tourner... Qu'en pense la blogosphère? Comme si c'était ce que pense le monde. Ben oui, on s'en sac ce que pense le monde et allons voir tout de suite ce que le monde en pense. Parlant des médias sociaux, beaucoup de commentaires. Facebook, c'est une forme de médias sociaux, finalement. Oui, un petit malaise. J'admire la résilience des gens qui appellent sur la ligne ouverte de Martineau et qui écrivent sur sa page Facebook juste après s'être fait traiter de frustré, pas de vie. D'autre part, les rumeurs d'élection vont bon train et Jean Lapierre a appris de sources anonymes, on découvrira peut-être c'est qui dans les prochaines écoutes électroniques de la Commission Charbonneau, que le déficit serait plus grand que prévu. C'était prévu à 2,5 milliards. Il y a des gens qui me susutent aux oreilles. Pardon? Que ce serait rendu à 3,1. Susuter, c'est un mélange de susurrer, supputer et de sucer, ce qui convient parfaitement à Jean Lapierre quand on y pense. Un autre indice que des élections approchent, c'est la pluie de mesures annoncées par le PQ, dont la hausse du salaire minimum. Un véritable fléau, selon Vincent Gélozo de l'Institut économique de Montréal, qui estime, entre autres, qu'elle augmente le décrochage scolaire, puisqu'avec 20 cents de plus de l'heure, certains jeunes défavorisés y voient là une manne et sont tentés de lâcher l'école pour faire fortune. Eux ne voient pas encore. Un, il y a plus. L'éducation n'a pas la même valeur dans leur quartier. Eux, ils voient plus de risques à étudier plus longtemps. Puis, ils voient que l'alternative de travailler au salaire minimum, c'est peut-être pas aussi pire qu'auparavant. Bon, peut-être que c'est vrai. J'ai pas vérifié, mais un doctorant qui dit « ils voient », je trouve ça assez drôle. D'ailleurs, la dernière fois que j'avais parlé de lui, M. Gélozo m'avait écrit pour me remercier de l'avoir caricaturé. Et j'aimerais préciser que caricaturer, ce n'est pas la même chose que citer, à moins d'être une caricature de soi-même. Heureusement, tout ce que fait le PQ, tout ce que fait le PQ n'est pas négatif. Et Dominique Moret de Radio X en avait un bon exemple. Regarde, on peut y reprocher plein de choses à Lisée, là, mais c'est quelqu'un qui est tourné vers les États-Unis, ou dirait même un peu trop. À chaque fois qu'il a le goût de faire un pet sauce, il le fait dans le New York Times. Là. Oui. En se comparant à Jefferson puis à Patati Patata, là, il fait un fou de lui, mais au moins il fait en anglais. Là. Voilà, il fait de la merde. Il fait de la merde, mais au moins il a fait en anglais. Think big, comme dirait l'autre. Yeah! Ah! Merci de nous avoir fait faire le tour de l'actualité, Olivier. Vous savez que le Parti québécois a lancé une nouvelle publicité cette semaine, hein, qui est loin de faire l'unanimité. Et on a pensé la soumettre à notre nouvel analyste publicitaire, Monsieur Mononcle Saucisse. On écoute. T'as jamais eu peur des défis. Tu sais ce que t'es, puis ce que tu vaux. Tu marches droit. T'es un bâtisseur de rêves et de concret, d'idées vertes, de richesses et de demain. Puis t'es fier de tes forêts, de ton sol qui te rend riche, de tes rivières qui t'électrisent. Puis quand on la ramène, la coupe, t'es indépendant puis passionné. Comme tes chums puis ta femme. Hey, les PQ! Que c'est ça, cette pub-là? L'indépendance, c'est une marque de bière! Tu marches droit! Ça veut dire quoi, ça? Que vous êtes rendu à droite au PQ? Pas besoin de faire de pub pour nous le dire! On a juste à lire les journaux! Un bâtisseur de concret, que c'est ça? Y a du monde qui bâtisse de l'abstrait avec un marteau imaginaire! T'es fier de tes forêts, de ton sol qui te rend riche! Voyons donc, fier d'une forêt, c'est n'importe quoi! T'es fier de te dépasser, t'es fier d'un exploit, mais pas fier des sapins, ça se peut pas! C'est quelqu'un qui est fier parce qu'il y a du métal en poudre dans un trou en Abitibi! Ah, moi, va y parler deux minutes! C'est quoi l'affaire de ramener la coupe? C'est-tu la coupe Stanley ou la coupe à blanc? Avec vous autres, on le sait jamais! Fait que c'est ça! Je suis pas si fier que ça! Fait que laissez faire les pubs, faites donc votre job, c'est... Hey! Aïe, aïe. J'étais fâché, mon oncle saucisse? Ouais! Hey boy! Et c'était la demande générale qu'on va aller retrouver malheureusement, Jean-Sébastien. Jean-Sébastien Girard. Jean-Sébastien! Oui, mon bonjour Philippe. Alors, c'est maintenant le coin de l'auditeur. Beaucoup de courriels pour Alex Perron. Ouais. J'ai choisi les plus pertinents. Alors, le tout premier, Alex, bonjour. Je pense honnêtement que nous devrions interdire l'adoption aux gays. Je pense que les homosexuels sont tous des tordus qui pourraient violer leurs enfants. Et c'est signé Woody A. de Manhattan. Ben, j'aurais envie de susciper la réponse suivante. Il a raison. Je dois lui donner raison. Il faut s'incliner devant la sagesse populaire. Un deuxième courriel qui nous dit « C'est-tu vrai que Alain Goldberg est gay? » Venez pas me dire que c'est normal un homme de 60 ans qui s'intéresse au patinage de fantaisie. Ça, effectivement, c'est bizarre. Et je sais que, à quelques moments, le samedi soir, il aime bien enfiler du latex et de la paillette fuchsia. Mais c'est peut-être un jugement facile, ça veut pas dire qu'il est gay. C'est sûr que quand on rentre dans un restaurant en faisant un arabesque... Et un dernier courriel qui nous dit ceci. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir démystifié notre réalité. Oui, nous avons une sexualité différente, mais pas une sexualité pour autant condamnable. Et c'est signé Luca Rocco M. Je cherche quelque chose à dire, mais... Je vais m'arrêter là. Alex, merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci d'avoir ouvert nos ornières. Grâce à vous, à partir de maintenant, on aura moins envie de lancer des pierres à Jasmin Roy. Écoute, je vais devoir en faire part à sa fondation et il vous écrira lui-même. Merci, Alex. Bye. Hey, c'est déjà terminé. Déjà. Restez à l'écoute. C'est la bibliothèque de René dans quelques instants. Merci à toute l'équipe, Marie-Hélène Girard, Marie-Hélène Rassicot, pardon, Jean Gagnon et Philippe Roberge. Un gros merci à nos invités. Rémi Girard, on va vous voir au théâtre. Oui. Avec, vous vous tournez avec Mario Stéphanie. Oui. On va voir évidemment André Sauvé ce soir dans à peu près 3 minutes et demie. Tout vous entrez sur scène. Je suis déjà psychiquement plus ici. Ah, arrêtez donc. Arrêtez donc. Bon, on vous laisse partir d'abord dans votre psyché aussi. Bon, show demain aussi, au 10h30. Ouais. Et puis, vous regardez sur le site web, vous faites la tournée avec André Sauvé. Et si vous tripez bien sur l'émission, vous réécoutez notre balado. C'est disponible sur iTunes. On fait des enregistrements si vous voulez venir assister les vendredis à 16h. Vous nous envoyez un courriel. Notre spécial la semaine prochaine, c'est notre spécial Saint-Valentin. Denise est encore jeune avec Denise Filiatro et Denise Bombardier. Oui! Wow. Ne manquez pas ça. Et si Jean-Philippe aussi vous souhaite de profiter de cette soirée qui est encore jeune. Wouhou!